La journée mondiale du poisson rouge. Oui, la coiffure Brigitte ? Oui. J'ai un poisson rouge chez moi et je voudrais le faire coiffer. C'est original. Mais je sais pas ce que je lui coifferai, hein. J'aurais de gros problèmes parce que j'ai pas de bigoudi pour les arêtes, hein. Je suis le petit poisson dans le bocal. Les meilleurs moments de l'émission ce samedi dès 21h. Joyeux anniversaire. Snap sur Galaxy avec Rhythm is a Dancer, un bon vieux standard de l'époque. Merci Willy, on te retrouve très prochainement sur Galaxy. Tiens, on va dire par exemple, allez, lundi sur le coup, les 6h30 le matin, histoire une nouvelle fois de se réveiller bon pied, bon oeil, de bonheur et de bonne humeur. Nous vivons, vous et nous, des moments tout à fait exceptionnels puisque nous fêtons les 25 ans anniversaires de votre FM favorite. Galaxy a 25 ans, Galaxy fête son quart de siècle. Alors à vous tous, happy birthday to you. Merci de votre grande fidélité. Merci également à vous de vos très nombreux témoignages qui nous parviennent par l'intermédiaire du standard, bien évidemment, mais aussi sur le forum, par mail également. Bref, nous sommes heureux de vous accueillir pour, on l'espère en tout cas, une 26e année très prochainement. Et bien d'autres. Ça va, le moral est au beau fixe. Vous êtes sur votre lieu de travail. Bon courage. Les années 80, 90 et 2000 à l'occasion de ces 25 ans Galaxy avec justement l'année 2006, fin 2006, Frida France pour le label avec Henrik B on Galaxy. Now. Galaxy, Galaxy music for happy people. Stéphane Laroche. Bob Sinclair, ou le meilleur de la scène électronique d'antan, comme dirait l'autre. Quand je dis d'antan, c'est pas si vieux que ça, hein. C'est un album qui remonte à, bon, quelques années quand même, 6 ans. C'était au millénium, l'année 2000, la fameuse année 2000. Celle du second millénaire, presque, oui, comme ça et pas autrement. I feel for you, l'excellent Bob Sinclair sur Galaxy. 10h21, merci de votre grande fidélité. Attention, événement, c'est peu dire que de le dire, une belle soirée, concert à ne pas manquer ce soir du côté de la boîte à musique, rue Amédée Provost Waterloo. François G. de Lazzaro, c'est le leader du fameux groupe des garçons bouchers, du label Boucherie Productions, qui navigue entre rock et folk au gré du vent. Dernier album à découvrir, Aigre Doux, sur scène, avec bon nombre d'ailleurs de titres que vous connaissez tous, puisque ce sont les titres qui ont jalonné sa déjà longue carrière. Réservation office de tourisme, 0320 75 85 86. Bon plan, bonne nouvelle pour les 25 ans Galaxy, la boîte à musique vous invite à ce concert. Mais attention, quand je dis on vous invite, c'est vous et la personne de votre choix. Si vous souhaitez donc assister à ce beau concert, celui du leader des garçons bouchers, François G. Lazzaro, dès ce soir, vous nous appelez, c'est cadeau pour les trois plus rapides. 0320 83 57 57, la place de concert pour vous et la personne de votre choix. Zone sur Galaxy, encore une dans le cadre des 25 ans anniversaire de Galaxy. Open Your Mind, signé Yuzura, c'était l'un des incontournables des années 90. Il est quasiment 10h30, je vous rappelle que ce soir ce sera le grand retour de l'ami HS sur les ondes intergalactiques, celle du 9530. Vous ne rêvez pas, HS is back, ce sera dès 21h. Précédemment, juste avant, il y aura également un set 100% rétro et trans proposé par Storm que vous connaissez bien, avec bien sûr encore une rétrospective à tomber par terre, si vous me permettez l'expression. Pour l'heure, direction l'information de proximité avec l'agenda Galaxy, avec le Téléthon qui fête, vous le savez peut-être, ses 20 ans cette année, 20 ans d'existence. Ce sera fêté à partir de ce soir et tout au long de la journée de demain samedi partout en France. De très nombreux rendez-vous, par exemple ce week-end sur Tourcoing, la salle Georges Dalle, avec de nombreux établissements scolaires, des associations et de nombreux bénévoles qui viendront spontanément proposer leurs services et savoir-faire. Des animations et des défis vous y attendent tout au long du week-end. Il se passe beaucoup de choses sur Waterloo et partout ailleurs. Plus d'infos 03 20 26 72 38 ou programmation complète des manifestations disponibles sur le web, c'est www.teleton.fr. A noter également, à partir de ce week-end, à partir d'aujourd'hui pour l'inauguration en tout cas, ce sera le village de Noël. C'est jusqu'au 24 décembre inclus. Ça se passe comme toujours sur la place Jean Delvinquet en plein centre-ville de Waterloo. Programme d'animation exceptionnel cette année qui sera concocté toute la semaine et chaque week-end avec de nouveaux manèges, tiens, à inaugurer, rien que pour vous cette année. Des promenades à dos d'âne, il y aura des mimes, du maquillage, de la jonglerie, des caricaturistes, de la sculpture sur ballon, des statues vivantes, du cirque performance, des gestes acier. Il y aura également des spectacles de feu, la descente en rappel, bien sûr, du Père Noël, etc. Bref, beaucoup de choses cette année, vous allez voir, ça va bien bouger. Sans oublier, bien sûr, les nombreuses idées cadeaux proposées par les chalets artisanaux du village. C'est dit donc, ce sont les fêtes de fin d'année, et c'est tant mieux. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. Galaxy Music and News. We'll be right back. Music remains on top. We'll be right back. Petit incartin du côté du son des années 2006 sur Galaxy avec Eddie Amador et Kurt Maverick dans Love Sensation 2006, 10h44 minutes. Attention, invite tempête sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais, sur une bonne partie du nord du pays, avec des rafales pouvant atteindre les 90, 100 voire 110 km/h dans l'intérieur des terres. Prudence donc, surtout si vous êtes sur les routes, soyez particulièrement vigilants et si vous le pouvez, bien évidemment, évitez tout déplacement inutile. De la grisaille, des averses et des rafales de vent. Côté température, elles seront voisines des 10 degrés. Nous sommes le 8 décembre aujourd'hui, bonne fin de semaine. Nous fêtons la Sainte-Edith, bon anniversaire également à l'actrice Kim Basinger, à David Carradine du côté des acteurs, ou encore par exemple à Philippe Catherine, chanteur. C'est reparti pour un quart d'heure de Megamix non-stop à l'occasion des 25 ans anniversaire de Galaxy. There is no long countdown. Don't be late. Come on, like me, hey. Make it slow. 'Cause I find you. for drive. Put some pressure upon the gas. I don't know how long I'm gonna last. Feel the force of the main source. The power is strong with the strength of a horse. The ultimate ride that takes you to overdrive. Remember this, only the strong survive. Boom, stick it a boom, stick it a boom, stick it a boom. Take it on into the maximum. Take it on into the maximum. Join me for a ride. Feed up the music. Join me for a ride. Maximum overdrive. Join me for a ride. Speed up the music. Join me for a ride. Maximum overdrive. Speed it up the bass. Take it on into the maximum. To the maximum. Let me be, baby. Never. Dame, encore un méga mix comme vous pouviez les écouter à l'époque sur Galaxy et partout ailleurs. C'est ça aussi les 25 ans intergalactiques. Il n'y a pas que la techno dans la vie, hein, forcément. Ah oui, on vous propose plein de choses différentes. Ah oui. Des années 80 aux années 2000. Il est 11h du matin. Bonne fin de matinée à tous. Merci de votre grande fidélité. Retour aux années 2006 avec l'un des cartons du moment. Ce sera Carl Kennedy après une courte pause dans Don't Give Up. Galaxy, the empire of house music. Joyeux anniversaire, Galaxy. Happy birthday. Don't give up. ta journée de galère dans ton coin. Viens plutôt secouer tes tympans avec Stéphane. Eps, écoute. Stéphane. J'adore, c'est grand. Ça le fait. Le nouveau son. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Stop. Music. Step by Step, ça c'était l'un des gros cartons intergalactiques des années 80. Il est 11h10. Bonne fin de matinée, bonne fin de semaine. Prudence sur la route, attention, la tempête arrive sur la métropole lilloise. Ce sera annoncé en tout cas dans quelques minutes avec des vents forts. Quelques rafales pourront atteindre même les 100 à 110 km/h dans l'intérieur du pays, le tout sous les averses. La prudence est donc une nouvelle fois de mise. Ça y est, la fameuse Wii de Nintendo déboule en Europe, elle déboule en France aujourd'hui. Sachez que c'est une console de jeu avant tout, elle sera donc dépourvue de disque dur, puisqu'elle n'est pas comme ses concurrentes, un centre de loisirs numériques. même si elle peut lire, nous dit-on, des fichiers audio et vidéo et même afficher des photos. En revanche, elle accepte quand même Onet via une connexion Wi-Fi. Elle peut télécharger même des jeux et permettre le jeu en ligne par le fameux WeConnect 24, le réseau maison de Nintendo. Alors les jeux, bon, ben, ils sont beaux, mais ils manquent de réalisme, hein, normal. Hein, Nintendo reste dans l'univers cartoon, c'est une volonté, et abandonne le réalisme à ses concurrents. Bref, l'accent a toutefois été mis sur la facilité de manipulation. Le joystick, vous le savez sans doute, il est remplacé par la Wiimote sans fil, équipée de détecteurs de mouvement. Comme ça, quand vous faites un smash, si vous battez à l'épée par exemple, eh bien, vous ne le faites plus en poussant un bouton sur un joystick, mais en effectuant le geste devant votre télé. C'est, paraît-il, ludique et efficace pour les joueurs occasionnels, mais assez déroutant pour les habitués du joystick. Voilà, on nous annonce une trentaine de jeux disponibles d'ici à Noël, entre 50 et 60 euros. La bête coûte 249 euros, donc c'est pas donné, mais voilà, c'est à découvrir, c'est une nouveauté. Puis l'année prochaine, on n'oublie pas, hein, la PS3 de Sony. Puis on va saluer également la 360 de Microsoft, puisque nous ne faisons pas de publicité et nous citons toutes les marques pour qu'il n'y ait pas de problème de concurrence. Voyez, c'est la loi, c'est comme ça. Tous en boîte, volume 4. Une nouvelle étape vient d'être franchie sur la planète Dance. Un pied sur terre, l'autre en l'air. Tous en boîte. Tous en boîte. Volume 4. Un max de mix, un max de dance pour mettre en orbite vos oreilles.

manquer les enfants des kits anniversaires 25 ans Galaxy. À décrocher, ça peut tomber à tout moment, sachez-le. Eh oui, ce sera d'ailleurs dans pas longtemps, pour rien vous cacher. À bon entendeur, salut. On salue tous nos partenaires intergalactiques, nos disques, le RC Lance, Record Mania, Mackenzie, Malikanton, Madrix, l'H2O Club, Airplay, Norway, Yannick, Anma et tous les autres. Pardon pour ceux qu'on oublie, qu'on nous donnera pas de cité, bien sûr, qui nous offre des cadeaux à gogo tout au long de cette semaine. À bon entendeur, salut. Bon moment de soirée intergalactique à découvrir sur galaxyfm.com, rubrique info soirée Galaxy. Mais pour l'heure, en direction les bons vieux standards de l'époque, puisque nous fêtons les 25 ans Galaxy, je le dis comme ça, soit dit en passant, au cas où vous ne le seriez pas encore. Si vous êtes de retour de vacances, par exemple, si vous étiez migré sur la planète Lune, ah oui, sur Mars peut-être, hein. Bref, si vous étiez sur un astre lointain, vous ne savez peut-être pas. Galaxy a 25 ans, elle fête ses 25 années de bonheur, de rythme, de passion avec vous, en vous proposant par exemple ici le son des années 90, Crazy Party. Yo! Hunter, you're the fog. A gentle voice that talks to you, won't talk forever. Sur Galaxy. Souvenez-vous, c'était hier, c'était il y a longtemps, très très longtemps, le groupe Ace of Base. Il est 11h30, direction la formation de proximité, avec pour la cinquième année consécutive, la Croix-Rouge française qui organise, qui réitère son opération Un enfant, un jouet, pour qu'un sourire se lie sur le visage de chaque enfant. N'oubliez pas, déposez vos jouets, vous avez jusqu'au 31 décembre au plus tard, dans les caddies mis à disposition à l'entrée des magasins partenaires. Liste de ces magasins participants disponibles au 03 20 25 34 03. Le cirque de Noël vous attend jusqu'au 10 décembre inclus, c'est sur le parking des Bazanos de Waterloo. Il s'agit du fabuleux spectacle Le Noël de Joseph Bouglione, qui est joué tambour battant à l'occasion de ses fêtes de fin d'année. Tout le talent et le savoir-faire de la dynastie Bouglione amorcé dès 1830, ils feront de ces représentations exceptionnelles un moment de pure féerie. Réservation office de tourisme 03 20 75 85 86 ou sur bouglione.net ou bien évidemment en caisse du cirque. Il reste quelques disponibilités, nous dit-on, pour la représentation de ce soir vendredi. Galaxy Music and News.

Galaxy, très récent finalement, hein. She Flowers avec Ibiza Sampler, encore un titre inspiré des bonnes années 90. Eh oui. C'est comme ça et pas autrement. Origine donc la dance music de l'époque. Il est 11h44. Question à poser, suggestion à faire, une seule adresse, le web, le net. Le mail de Galaxy, c'est info@galaxyfm.com. Tiens, j'ai des nouvelles de Madonna qui est de retour après la chanson, après le cinéma et les livres pour enfants. Madonna continue la diversification de ses activités en se lançant, tenez-vous bien, cette fois-ci dans le stylisme. Mais oui, la star a même signé une ligne pour une grande marque de prêt-à-porter suédoise. Affaire à suivre, donc, la Material Girls est une nouvelle fois de retour. La journée des profs. Crachez sur vos profs. Espèce de puant. Elle me dégoûte, c'est incroyable. Ça fout ta gueule en fait. Oh, une vraie folle, c'est vraiment un fils de pute. T'as enrougé ce mec. Les meilleurs moments de l'émission, ce samedi, dès 21h. À toute heure du jour et de la nuit. Ah oui, 45 de l'heure, c'est le retour du mix non-stop sur Galaxy. Un mix 100% techno pour le coup. It's time for the crossover. Crossover. meilleur de la scène électronique, c'est à toute heure du jour et de la nuit sur Galaxy. Happy birthday to you, les 25 ans anniversaire, 25 ans de passion, 25 ans de rythme non-stop. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec toute l'équipe au grand complet, animateur et DJ et tous les autres qui vous souhaitent un joyeux anniversaire. La semaine se termine tout doucement, mais sûrement, la matinée également. Bon début d'après-midi à tous, il est midi, dans un instant retour au son des années 2000 avec Retrobeat dans Going Down du label Organize Nature. Dans les minutes qui suivent, Galaxy vous offre le kit anniversaire 25 ans. Restez calés. Galaxy. Don't stop music. Just can't stay this way. You know that you are going down, down, down. Don't care about your trying.

days. Happy days. Galaxy. Happy days on Galaxy. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Snap the power sur Galaxy. Galaxy vous donne l'heure, il est temps de jouer avec nous. Galaxy. Ça fait peur, hein. 0320 83 5757. Nos nombreux partenaires vous offrent le kit anniversaire 25 ans Galaxy, avec au programme, selon les kits bien évidemment, des DVD collector Summer 2006, des doubles compilations CD, des compilations technoïdes, sans oublier bien sûr des écharpes, des porte-clés, des stylos, qu'est-ce qu'il y a encore, il y a plein de choses, hein. Il y a des vinyles également magnifiques et plein d'autres choses encore. Ces kits spéciaux 25 ans anniversaire de Galaxy vous attendent si vous arrivez pile poil numéro 5 ou numéro 10, top départ, top standard, place à Amrage. On vous attend pour l'avant-dernier jour et les nombreux cadeaux intergalactiques, notamment ceux de Madrix également, avec des accessoires jeux vidéo tout au long de la semaine. Radio Galaxy, Galaxy, Galaxy. 1, 3. Yeah. I'm gonna

say the week is over. Time for Saturday to begin. Gonna get out, I'm gonna party. Telephone all of my friends. Money's looking good and I'm ready. Spend all day polishing my Benz. Cause it's Saturday in the city. Feeling right for the night to begin. You've worked yourself so hard all week long. Now it's time that you get your groove on. Week is over, Friday's at an end. I can't wait for Saturday to begin. Oh, I can't wait. Till the sun comes up in the morning. It's the end of the week and I'm out on the streets. Trying to find something to get into. Get into. Cause I got to get down, down, down, down, down. I can't stay at home. Got to get out and hear me some music. Saturday, don't you know? Here I come. You work yourself so hard all week long. Now it's time that you get your groove on. That's right. Week is over, Friday's at an end. I can't wait for Saturday to begin. Saturday, I can't wait. I can't wait. Get the night on. Saturday, I can't wait. Get the night on Saturday. Saturday. Sunshine, Happiness, le son des années 80, 90 et 2000, et c'est loin d'être terminé. Le meilleur de la scène rétro, avec Tony pour le 13h, 17h sur Galaxy. N'oubliez pas, HS is back, ce sera tout à l'heure, à partir de 21h sur la fréquence 95-30. Spécial rétro également, ne pas manquer, signé DJ Storm. Et puis bien évidemment, il y aura Guillaume et toute la clique avec de très nombreux invités pour une bonne partie de la soirée. À bon entendeur, salut! À vous toutes et tous encore une nouvelle fois, Happy Birthday!